sur QSM remet ça. Les médecins en restent quoi? Comment ils font reste un mystère. T'as qu'à compter leur nombre d'heures. QSM est un crabe qui sort du bac à sable. 8 pattes syncopées, mais 8 pattes exécrables. QSM est vif et il s'exprime en joule. De l'énergie brute qui te pape et te saoule. La saillie n'a pas de fin. QSM dévore sans fin. L'anaconda est insatiable. La véranda, fort imprenable. QSM est intraitable. QSM ne sort pas de table. Ils remettent le couvert tout de suite après le dessert. Pour la victime, c'est un supplice. Arpège malsain, un corps qui crisse. À peine le temps de prendre un café. Ils sont déjà à besogner. Tout a été dit sur ces deux phénomènes. Et eux, ils s'expriment à grands coups de l'arsène. À grands coups de griffes malsains. Et d'arpèges assassins. Quoi qu'il arrive, ça c'est certain. QSM gagne à la fin. Ils cherchent ta note dissonante. Ils cherchent à te remuer le ventre. Ils te font regretter amèrement le petit déj et ses croissants. QSM est une cicatrice entre le nez et le pubis, révélée grâce à l'anis, aigrie comme une vieille actrice. Après l'assaut, QSM remet ça. Les médecins en restent quoi? Comment ils font, ça reste un mystère.